peux essayer de voir s'il n'y a pas trop de bruit. Ouais, petite berceuse. Toi, le son est fin et c'est un petit son. Ça, c'est le son du tissage pour le canage, quoi. Et là, jusqu'à la fin, je vais tisser comme ça. Mais avant de faire ça, il faut que qu'on fasse un montage. Donc là, je viens de commencer cette chaise. Donc je fais le montage. C'est le début, quoi. Parce que là, j'ai commencé comme ça, j'ai fait la première longe, première traverse, deuxième longe, je commence ici, là. Et après, quatrième étape, c'est que je vais passer dessus, dessous, comme ça, tac, voilà. En fait, moi, je fais du canage artisanal, je travaille avec la canne de rotin, et du coup, le canage artisanal, c'est on travaille sur des assises et les assises, ils ont des trous tout autour du cadre, quoi. Et du coup, comme vous voyez, je passe dans un trou, je ressors dans l'autre et... Bon, j'ai fait une ligne de tissage. On appelle ça les lignes, mais après... Par exemple... On dit la ficelle, mais en fait, le vrai mot, c'est le brin. On dira chercher un brin, tu vois. Une brin de canne. On répare. Quand la chaise arrive, la chaise, elle est vide. Hein. Enfin, vide. Il y a l'ancien canage. On enlève l'ancien canage, on traite le bois, on répare. Après, quand ça arrive à l'atelier, ici, il reste plus qu'à faire le canage ou le paillage. Ah, ça là. Je caresse le raffia. Je sais pas, j'ai fait faire du bruit. C'est un métier, il faut de la patience, quoi. C'est vrai, c'est minutieux, ça demande de la patience, de la concentration, surtout, nous, on est quand même non-voyants et malvoyants, donc ça demande quand même, voilà. Bien sûr, on en a, la patience, parce que c'est notre métier. Ben, il faut beaucoup de temps, oui. Une chaise comme ça, il faut compter 4 à 5 jours de travail, quand même. Les cordons n'existent pas, donc il faut tout fabriquer. Là, par exemple, là, c'est une chaise qui est faite avec la paille de seigle déjà recouverte. Au début, c'est dur, ça abîme un peu les doigts. Mais aujourd'hui, non, au bout de quelques années de pratique, on n'a plus d'ampoule, on n'a plus rien. L'ouverture de la paille de seigle. Le bruit qui peut faire la paille de seigle, c'est ce bruit-là, pour ouvrir la paille. C'est un bruit particulier. Comme ceci pour l'ouvrir. Là, ces gestes quotidiens comme ça, on peut presque tourner la tête et faire le geste. C'est les doigts qui suivent. Moi, je suis malvoyant, je vois un 20e. Pas beaucoup, mais suffisamment pour me déplacer. Et je trouve que je me débrouille très bien parce que je suis né avec cette faible vue. Et voilà, je suis un peu comme quand les non-voyants expliquent, on se repère à beaucoup de choses, au bruit, je dis pas au flair, mais s'il y a des odeurs, ça peut nous aider. je crois qu'on est 7, 6 ouvriers, non ? 6 ouvriers et la secrétaire, ça fait 7. Si je mets là, c'est pas trop mal. Non. C'est vrai, un peu quand ce métier, même des fois, moi je travaille, et quand j'entends mes collègues fabriquer le cordon, c'est agréable. Des fois, il y a un peu de silence et on entend. Là, comme on entend, là, c'est. Ajoute de la paille, je presse. Je passe dans le trou. Voilà, je démêle. Maintenant, je retresse. Là, j'en rajoute un peu. Je presse. Voilà, comme ça, hop, je l'enfonce dans son espace, on la pince, on la replace à l'avant, et là, on va repousser, alors on va prendre la tirette, hop, on entend des fois des bruits bizarres. Le bois qui travaille, un barreau qui casse. Un barreau peut, hop, il peut casser au bois. Ah, ça, là, c'est le son là, qui nous guide. Oui, quand on tend le bras, on tire un peu sur le bras pour voir si c'est tendu. Mais bon, après, tout se passe dans les doigts, moi, je dis. Et voilà, ma vieille. Elle est finie, celle-ci ? Non, je vais la bourrer maintenant. La finition, le bourrage. Le bourrage. On va y mettre du rotin, du rotin, n'importe quoi, du raffia dedans. Ouais, parce que pour la, faut y donner du relief, il y a tous ces cordons qui relèvent. Ça marche tout au toucher, hein, pareil. Là, c'est pas le son. C'est une paille, quand ça vieillit, ça devient comme de la poussière. Après, ça dépend comment on s'assoit dessus, moi je dirais. Parce que si c'est pour recevoir du monde une fois tous les 15 jours, ou si on s'assoit dessus tous les jours, c'est pas pareil. Ça peut durer longtemps quand même. Et des fois, ça fait plaisir d'avoir des chaises comme ça, aussi âgées, on va dire. Ah, il y a des chaises, oui, il y a des chaises qui rentrent ici, ils ont 90 ans au moins. Ça se trouve, elle est née avant moi, cette chaise.